avant la guerre, tu reprends les cœurs. La circoncision refait l'alliance, car on ne combat pas pour Dieu sans revenir d'abord à l'obéissance. La main ne cesse sur la nouvelle terre, le désert touche à sa fin. Un autre type de nourriture commence, celui de la promesse entre nos mains. Avant la victoire, il y a toujours l'autel. Tu réponds, je suis le chef, et la terre devient soudain un lieu secret. Les sandales tombent sous les pieds, car la guerre commence dans la sainteté. Et celui qui veut vaincre pour Dieu doit d'abord savoir s'incliner. Qui est pour toi? Qui est contre? Chaque pas.